Bien. Alors, reprenons. Faire se dit fare. Fare. Et le faire farlo. Farlo, oui. Et dire se dit dire. Dire. Et le dire dirlo. Dirlo. Et me dire dirmi. Dirmi, oui, c'est ça. Et encore une fois, le dire dirlo. Dirlo, oui. Et me dire dirmi. Oui, dirmi. Mais si vous avez les deux en même temps, me le dire, vous devez coller les deux mots l'un à la suite de l'autre, à la fin du verbe. Alors, comment diriez-vous ça, me le dire? Dirmelo? Dirmelo, c'est ça, oui. Au lieu de dirmilo, on a dirmelo. Donc, si vous voulez dire, pouvez-vous me le dire? Comment diriez-vous ça? Può dirmelo? Bien, può dirmelo. Maintenant, dites-moi, je vous verrai ce soir et je vous dirai pourquoi. Vederò? Je vous verrai. Vederò le... Comment traduit-on « vous » dans ce cas, où il s'agit vraiment d'un « vous », pas d'un « à vous » déguisé, en quelque sorte? Là. Oui, donc, je vous verrai? Là, vederò. Oui, mais souvenez-vous de ce futur un peu irrégulier. Ce n'est pas vederò, mais... Vedrò, la vedrò. Voilà, la vedrò. Je vous verrai. Ce soir... Stasera. Répétez, s'il vous plaît. La vedrò stasera. Stasera. Ah oui. La vedrò stasera. Oui, la vedrò stasera. Je vous verrai ce soir. Et je vous dirai pourquoi. Et la dicero... Non, c'est pas ça, c'est... la dirò perché. Mais ici, dans « je vous dirai », ce n'est pas un vrai « vous », mais plutôt un « à vous ». Je dirai « à vous ». Ah oui, « les dirò ». Les dirò. Au futur, on insiste sur la fin du verbe pour « ro » et « ra ». Et sur l'avant-dernière syllabe pour remo. Donc, la vedrò, je vous verrai stasera, ce soir. Et le dirò perché, et je vous dirai pourquoi. La vedrò stasera et le dirò perché. Voici un autre exemple. Dites-moi, peut-être que je lui parlerai, mais je ne lui dirai pas pourquoi. Peut-être que... Que se dit forse? Forse. F-O-R-S-E. Forse. Forse. Peut-être que je lui parlerai. Forse che li parlerò. En italien, forse n'est pas suivi de que. C'est différent du français. On passe directement au reste de la phrase. Forse li parlerò. Ce n'est pas parlerò, non? Est-ce que c'est parlerò? Ah, ça n'a pas l'air d'être ça alors. Hein? Ça ne sert à rien de jouer aux devinettes. Soit vous connaissez la réponse, soit vous ne la connaissez pas. Bien. Allez, je pense que c'est parlerò. Et donc, je lui parlerai. Li parlerò. Bien, oui. Li parlerò. Pour le futur, vous partez du verbe à l'infinitif, parlare, et vous remplacez la fin. Parlerò, parlerà. Alors, dites-moi, nous vous parlerons. Le parleremo. Le parleremo, exact. Le parleremo, nous vous parlerons. Alors, reprenons. Je lui parlerai, lui parlera, mais je ne lui dirai pas pourquoi. Ma non le dirò perché. Redites-moi, je ne lui dirai pas pourquoi. Non le... Non. Ah oui. Non. Non gli dirò. Voilà. Non gli dirò. Ma non gli dirò perché. Gli parlerò, ma non gli dirò perché. Oui. Comment diriez-vous maintenant « il ne le trouvera pas » Rappelez-moi d'abord le verbe « trouver ». Trovare. Trovare. Trovare, trouver. Donc, il ne le trouvera pas. Non lo troverà. Voilà, c'est ça. Non lo troverà. Devoir se dit dovere. Comment dit-on je dois? Devo. Devo, devo. Et vous devez? Deva. Deva. Ce n'est qu'avec les verbes en are qu'on a un a. Ah. Deve. Deve, oui. Donc, vous devez le faire, se dirait? Deve farlo. Bien, deve farlo. Et vous devez me dire? Deve dirmi. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît, je n'ai pas bien entendu la fin. Deve dirmi. Deve dirmi. Avec un i à la fin, oui. Dirmi. Maintenant, pour dire j'aurai, d'abord, comment dit-on avoir? Avere. Avere, oui. Comme vous savez, avec certains verbes au futur, on contracte. Comme par exemple vedere, qui donne vedro. Oui, mais il faut insister sur la fin du mot, pas sur le début. Vedro. Vedro, c'est ça. Et que donne le futur de avere en suivant le même principe que pour vedere? Avrò. C'est ça. Avrò, au lieu de averò. Avrò. Et il aura? Avere. Avera. N'oubliez pas la contraction au futur. Avra. Avra, d'accord. On a donc avra et avra. Et comment dit-on nous aurons? Avremo. Avremo, oui. Rappelez-moi comment on dit devoir. Devere. Do. Oh, dovere. Oui, dovere. Dites-moi, je devrais. Devo. Ça, c'est je dois. Je devrais. Devrò. Le futur se forme à partir de l'infinitif. Vedere, vedrò. Avere, avrò. Encore une fois, quel est l'infinitif devoir? Dovere. Dovere, c'est ça. Dites alors... Je devrais à partir de cet infinitif, mais sans oublier la contraction. Dovrò. Dovrò. Et maintenant, je devrais le faire. Dovrò farlo. Oui, dovrò farlo. Ou lo dovrò fare. Bien, lo dovrò fare. Comment diriez-vous, il devra m'attendre? Devra dovrà aspettarmi. Dovrà aspettarmi, c'est ça.